désert respire, le soleil écrase. Chaque pas soulève des siècles de poussière. Radis qui avance, silhouette de feu. Dans le silence, la vallée tremble. I speak cowboy voice, acoustic d'état. Sous mon chapeau, la sueur coule. Chaque regard cherche un duel. Ma main tremble sur le cuir sec. L'air grince comme une corde usée. Gravely whisper, strings swelling. Le salon est loin, les cloches se taisent. Le vent hurle, la vallée s'apaise. Un cavalier noir m'attend plus bas. Ses yeux brillent comme des éclats. Comme des éclats. A cinematic Texan English chorus with strings and harmonica. Ride through the fire, stand in the sand. Rider's steel shadow, dog of his head, whispers of dust, echoes of pain. Le duel approche, tout est silencieux. Cowboy crawl, trompette accent, guitare dark, un pas encore. Son souffle est court, l'ombre grandit, le temps est sourd, il tend sa main, je tends ma rage, la poussière danse comme un présage. faint raspy whisper, voice tired, harmonica low, le coupard, la terre tremble. Un cri s'efface dans le sable, je marche lentement vers le silence. Chaque pas gronde comme une sentence. Son ombre tombe, la mienne reste. La vallée gronde, la poussière peste. Mais rien n'approche.